Nous causerons seuls au coin du feu puisque M. de Chavigny nous abandonne. Moi ? Pas du tout, je ne sais si je sortirai. Eh bien, c'est convenu, je vous quitte. Oh, à propos, vous savez mes malheurs ? J'ai été volée comme dans un bois. Volée, que voulez-vous dire ? 4 robes, ma chère. 4 amours de robes qui me venaient de Londres, perdues à la douane. Si vous les aviez vues, c'était en pleurer. Il y en avait une perce et une puce. On ne fera jamais rien de pareil. Je vous plains bien sincèrement. On vous les a donc confisquées ? Pas du tout. Si ce n'était que cela, je crierais tant qu'on me les rendrait, car c'est un meurtre. Me voilà nue pour cet été. Imaginez qu'ils ont lardé mes robes. Ils ont fourré leur sonde, je ne sais pas où, dans ma caisse. Ils m'ont fait des trous à y mettre un doigt. Voilà ce qu'on m'apporte hier à déjeuner. Il n'y en avait pas de bleu par hasard ? Non, monsieur, pas la moindre. Adieu, belle. Je ne fais qu'une apparition. J'en suis, je crois, à ma 12e grippe de l'hiver. Je vais attraper la 13e. Aussitôt fait, j'accours et je me plonge dans vos fauteuils. Nous causerons douane, chiffon, pas vrai ? Ah non, je suis toute triste. Nous ferons du sentiment. Enfin, n'importe. Bonsoir, monsieur de l'Azur. Oh. Si vous me reconduisez, je ne reviens pas. Quel cerveau fêlé que cette femme. Vous choisissez bien vos amis. C'est vous qui avez voulu qu'elle montât ? Je parierais que vous croyez que c'est madame de Blainville qui a fait cette bourse. Non, puisque vous me dites le contraire. Je suis sûr que vous le croyez. Et pourquoi en êtes-vous sûr ? Parce que je connais votre caractère. Madame de Léry est votre oracle. C'est une idée qui n'a pas le sens commun. Voilà un beau compliment que je ne mérite guère. Ah, mon Dieu, si. Et j'aimerais tout autant vous voir franche là-dessus que dissimulée. Mais si je ne le crois pas, je ne puis feindre de le croire pour vous paraître sincère. Je vous dis que vous le croyez. C'est écrit sur votre visage. Ah, s'il faut le dire pour vous satisfaire, eh bien, j'y consens. Je le crois. Vous le croyez ? Et quand cela serait vrai, quel mal y aurait-il ? Mais aucun. Et par cette raison, je ne vois pas pourquoi vous le nieriez. Je ne le nie pas.